Activité 21. 1. C'est une grande maison. 2. C'est une grande maison. 3. C'est une grande maison. 4. Le voyage est long. 5. Le voyage est long. 6. Le voyage est long.